Basse chorus. We'll be right back. Nation Nerds. Eh, hey, moi, je sais pas. Tu vois ? Ouais, j'attends. C'est un peu de latence, non ? Thank you. pseudo débile. Skype. Merde. Ah. Je crois qu'il me l'a trouvé automatiquement. Désolé, il est taillé les sur son vétéran. Je suis pas sûr de ma carte bleue. Hein. C'est ça. Tu parles des amis. Ah, joli celui-là. C'est bon, ça charge. Je savais pas que j'étais connecté. Hein. J'entends plus le riff de guitare maintenant, j'entends plus rien. Oula. J'entends plus personne. J'entends que le clic. Ah, ça y est. We'll be right back. la troule. Bye. c'est pas grand-chose. Je suis perdu là, le truc qui faisait. Bye.